Joseph Sabiyabandi. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Isanganino, bienvenue à ce journal dont voici les principaux titres. Une grenade a été lancée la nuit de samedi dans un ménage du site de déplacés au chef-lieu de la province Karoussi, faisant deux blessés. L'administrateur de la commune Ebouhiga confirme les faits. Et Jérôme Ezokilanhevier, ancien directeur général de la radio-télévision nationale du Burundi, présentement président du conseil communal de Mutimbuzi, est en garde à vue depuis ce vendredi. Il est accusé de vente illicite de parcelles à Maranvia. Et le parti Sawanya Frodebou réclame un dialogue pour discuter de l'opportunité d'amender la Constitution. Il estime qu'aucune formation politique ne peut décider unilatéralement l'amendement de la Constitution, car c'est une affaire politique et nationale. Voilà pour le sommaire. Vous n'avez pas Isanganilo ? Vous ratez l'essentiel. Je vous le disais en titre, le parti Sawanya Frodebou réclame un dialogue pour discuter de l'opportunité d'amender la Constitution. Le vice-président de ce parti estime qu'aucune formation politique ne peut décider unilatéralement l'amendement de la Constitution nationale, car selon lui, c'est une affaire nationale qui engage tous les acteurs clés, Léonce Ngendakouman. Comme la Constitution est un instrument qui organise et qui gère un État, et qui de surcroît est un contrat social, il n'est pas possible qu'il soit amendé unilatéralement par un groupe de gens. Même un parti au pouvoir ne peut pas s'arroger le droit d'amender cette constitution seule. Et c'est pour cette raison qu'on doit d'abord organiser un débat sur l'opportunité de son amendement. Donc, l'évaluation de la mise en œuvre de l'accord d'Arusha. Voilà. Deux, quels sont le type d'amendement? Au Parlement, on a dit non en 2014 d'amender la Constitution dans ces dispositions qui sont conformes à l'accord d'Arusha, puisque l'accord d'Arusha est un contrat pour instaurer un ordre nouveau au Burundi. On ne peut pas cacher un projet d'amendement dans la Constitution. Ce n'est pas possible. C'est même incompréhensible. Comment est-ce qu'on peut cacher quelque chose qui engage tout le Burundi, qui engage tout le peuple burundais? Alors ça serait au service de qui? Il n'y a pas d'entrave que vous mettez. Nous ne pouvons pas amener une entrave. Ça serait nous-mêmes nous piéger parce que nous sommes concernés aussi, cette constitution nous concerne. Nous sommes des Burundais à part entière. Et ceux-là qui veulent l'amender en cachette, ce sont des Burundais. Plutôt ceux qui devraient être gênés, ce sont ceux-là qui le font en cachette. Le vice-président du parti Sawanya Frodebou considère que la constitution en vigueur est un contrat entre les Burundais pour la cohabitation pacifique. Léonce Ngendakouman a craint que si la constitution est amendée en cachette, les Burundais peuvent perdre cet acquis, ce qui risque d'instaurer un système politique d'exclusion, selon lui. Encore une fois, on l'écoute. La constitution de la République du Burundi n'est pas une constitution comme les autres constitutions qu'on observe dans d'autres pays. Il s'agit d'un contrat entre les Burundais pour mettre un terme à un conflit qui les a opposés pendant 30 ans. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est pour recréer la confiance entre les Burundais et entre le Burundi et la communauté internationale. Troisièmement, c'est pour stabiliser le pays. C'est pour créer un ordre politique, économique et social nouveau pour la paix et la réconciliation dans le pays, pour la cohabitation pacifique, pour le développement intégré. Voilà, c'est un contrat en fait qui instaure un système politique inclusif qui inclut les partis politiques, qui inclut les ethnies, toutes les ethnies qui sont au Burundi, qui inclut les femmes, qui inclut même la jeunesse. Vous comprenez qu'un système comme celui-là, c'est un véritable système pour la stabilité d'un pays. Alors maintenant, les tentatives qui y sont, c'est pour mettre un terme à ce système politique qui consacre la cohabitation pacifique, pour réinstaurer finalement un système politique qui exclut certains. Isanganiro, la radio de l'avenir. Et sur la page sécurité, une grenade est lancée la nuit de ce samedi dans un ménage du site des déplacés du chef de lieu de la province Karoussi. C'est le chef de ménage Nkunzimana Pascal et un forestier, Jonal Dobuhiga et son épouse qui ont été blessés, comme l'indique l'administrateur communal Dobuhiga, et parle des conflits fonciers comme mobile, un suspect a été arrêté. Toujours sur la page sécurité, deux personnes sont mortes par noyade ce samedi dans le lac Tanganyika, côté Kajaga, en commune Mutimbuzi. Selon la police, les deux victimes sont Jean-Paul Nahayo, de 25 ans, et Olido Ndikuriyo, de 9 ans. Elles sont toutes originaires de la zone Chibitoke, c'est en mairie de Bujumbura. Sous la page de justice, l'ancien directeur général de la télévision nationale du Burundi, présentement président du conseil communal de Mutimbuzi, est en garde à vue depuis ce vendredi. Selon le porte-parole de la police nationale, Pierre Nkurikiye, Jérôme Nzonkila-Nevier est accusé de vente illicite de parcelles à Maranvia. Sur la page éducation flambée des prix du matériel bureautique à Lumonge, les directeurs des écoles qui avaient déjà des problèmes financiers redoutent des difficultés de préparation des examens de fin de premier trimestre. Ils disent que leur source de financement n'est que le minerval des élèves. Jean-Pierre Misago. Une farde de 500 papiers de format A4 s'achète actuellement à 14 000 francs burundais, alors qu'elle était à 11 000 francs burundais au début de cette année scolaire en cours. Dans cette même période, l'encre stencileuse est passée de 10 000 francs burundais à 20 000 francs burundais et un paquet de 50 stencils est passé de 14 000 à 20 000 francs burundais. Selon certains directeurs d'école en dehors de la ville de Lumonge, utilisant la machine à écrire mécanique, ceux qui font écrire les examens à l'ordinateur ne sont pas à l'abri de ces dépenses auxquelles il faut ajouter les frais de photocopie qui sont passés de 50 francs à 100 francs burundais la page quand le courant de la régie des eaux manquait cruellement et sont restés ainsi même aujourd'hui. Selon ces directeurs d'école, pour la plupart des lycées communaux qui ont déjà des difficultés pour s'acheter des craies avec les 7000 francs burundais de minerval payé uniquement par les quelques élèves dont elle dispose encore au poste fondamental, il est pratiquement impossible de satisfaire aux besoins des élèves du poste fondamental qui paie régulièrement le minerval et ceux du fondamental qui ne paie rien, alors qu'en plus des examens qu'ils feront comme ceux du poste fondamental, ceux des 9e années auront à passer des tests d'entraînement au concours national. Les directeurs interrogés qui pensent déjà à s'endetter pour se préparer aux examens de fin du premier trimestre demandent au ministère de tutelle d'autoriser qu'ils en parlent avec les parents d'élèves afin de contribuer financièrement pour eux. Cela éviterait que ces écoles s'endettent sans pouvoir s'en sortir. Jean-Pierre Misago de Lumonge, Radio Isanganiro. Nous disons merci à Jean-Pierre Misago. Et sur la page élevage, environ 300 vaches de race améliorée ont été distribuées aux populations de la commune Buganda en province Chibitoke au cours de cette semaine par le Programme national pour la sécurité alimentaire et le développement rural de Limbo et Mosso. C'est dans le but de repeuplement du cheptel bovin, mais aussi le relèvement économique des populations vulnérables selon les responsables du projet. Ils ajoutent que les bénéficiaires doivent bien les entretenir et céder les progénitures à leurs voisins se trouva sur la liste d'attente. Spes Caritas Cabagnana pour les détails. 293 génisses de race améliorée et 5 taureaux ont été distribués à 298 habitants de la commune de Buganda en province de Cibitoke au cours de cette semaine par l'OpenSatrim, Programme national pour la sécurité alimentaire et le développement rural de Limbo et du Mosso. Les bénéficiaires indiquent qu'ils espèrent sortir de la pauvreté petit à petit, même si certains craignent des exigences d'entretien de ces vaches. Même ceux qui n'en ont pas bénéficié révèlent que la sélection des bénéficiaires a été bien faite, puisqu'elle se basait sur des critères qui ont été bien respectés. Vila Lumenimana, l'un des responsables du Penisadrim, demande aux bénéficiaires de bien entretenir ses vaches tout en sachant qu'ils doivent céder les descendants aux autres populations se trouvant sur la liste d'attente. Il met en garde ceux qui vont mal les entretenir quelles seront retirées pour les redistribuer aux autres, comme ça a été le cas en commune Rugombo, dans la même province de Cibitoke, où deux bénéficiaires se sont vus sanctionner de cette façon. Dans la même commune de Rugombo, 282 vaches distribuées l'année passée se sont multipliées actuellement, et c'est au cours du mois prochain, le mois de décembre, que les bénéficiaires vont commencer à céder les descendants de ces vaches à leurs voisins se trouvant sur la liste d'attente selon les responsables du Pensatrim. C'est ce qu'a été Kavanyana en province de Cibitoke pour la radio Isanganiro. Mais c'est sur le www.isanganiro.org. En actualité internationale, plus de 5 millions ont été détournés en Afrique de l'Ouest. Ces fonds étaient destinés à la gestion de l'épidémie d'Ebola entre 2014 et 2016. Et en Syrie, ce samedi, des dizaines de déplacés ont été tués dans un attentat mené par l'État islamique. Léonce Ndaïchemezé nous fait le tour de l'actualité internationale. Plus de 5 millions d'euros de la Croix-Rouge détournés en Afrique de l'Ouest. Selon le site de la RFI, la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a révélé que ces fonds affectés à la gestion de l'épidémie d'Ebola entre 2014 et 2016 ont été détournés en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone avec la complicité d'employés. Dans un communiqué, l'organisation se dit outragée par la découverte de ces fraudes et déterminée à poursuivre les personnes impliquées. Pendant l'épidémie d'Ebola entre 2014 et 2016, la Croix-Rouge a versé des dizaines de millions d'euros aux sociétés de Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone, les trois principaux pays touchés par la maladie. Et en Syrie, des dizaines de déplacés tués dans un attentat d'État islamique dans l'est de la Syrie. Selon toujours le site de la RFI, une centaine de civils syriens ont été tués samedi 4 novembre et des dizaines d'autres blessés dans un attentat à la voiture piégé perpétré par le groupe État islamique, un campement de déplacés dans la province orientale de Deir ez-Zor. Le rassemblement de déplacés se trouve dans une région contrôlée par la coalition arabo-kurde soutenue par Washington. La charge piégée a provoqué l'explosion d'un camion citerne transportant de l'essence déclenchant un important incendie. Léonce Ndaïchemezé, il est stagiaire à la radio Isanganiro et c'est par cette nouvelle internationale que nous bouclons ce journal. Avant de vous quitter, le rappel des titres. Une grenade a été lancée la nuit de samedi dans un ménage du site des déplacés au chef-lieu de la province Kaloussi, faisant deux blessés. L'administrateur de la commune Ewuhiga confirme les faits. Et Jérôme Zokilanievier, ancien directeur général de la radio-télévision nationale du Burundi, présentement président du conseil communal d'Omutimbuzi, est en garde à vue depuis ce vendredi. Il est accusé de vente illicite de parcelles à Maranvia. Et le parti Sawanya Frodebou réclame un dialogue pour discuter de l'opportunité d'amender la Constitution. Il estime qu'aucune formation politique ne peut décider unilatéralement l'amendement de la Constitution, car c'est une affaire nationale. Et voilà, à 13h10, c'est la fin de ce journal. Et merci de l'avoir suivi.